15 billets bleus par René Bazin. Lorsque M. Poupry, rentier, c'est-à-dire clerc de notaire honoraire, apprit qu'il était désigné comme légataire universel des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de Mademoiselle Morel, ancienne couturière, il eut un moment de contrariété. Encore un enterrement. Il savait qu'à force de suivre celui des autres, on arrive au sien. Il n'aimait pas l'enterrement, qui rappelle ses destinées. Il dut cependant prendre sa redingote, son meilleur chapeau de soie, et se rendre à 9 heures devant la maison mortuaire, que décorait une bande de mauvaise étoffe noire, tendue autour de la porte par les soins du monopole. Une foule, composée exclusivement de femmes et de jeunes filles, stationnait là, dehors, sous la pluie fine d'hiver. Elle s'écarta sur le passage de M. Pourpry, et elle se reformait derrière lui, tandis que les têtes se levaient au deuxième rang, au troisième, se penchaient, murmuraient. « C'est l'héritier, c'est lui, M. Léon Pourpry, l'ancien clerc. » Il entendait. Cela le gênait, toutes ces curiosités féminines en mouvement, et ses yeux de trottin, petites mains, essayeuses, ouvrières, qui le dévisageaient et souriaient comme s'il eût été un cosaque du tsar. Il se sentait prisonnier en arrière, obligé moralement de s'avancer dans le chemin qui s'ouvrait et qui le conduisait droit au goupillon, au cercueil couvert d'un drap blanc et orné de 3 couronnes en perles. Force lui fut d'entrer dans le couloir, de tourner à gauche et de pénétrer dans une pièce obscure où se tenaient 6 femmes en deuil, vieilles amies de la défunte qui ne laissait pas de parents, et 6 enfants de mari en blanc qui avaient en cette ombre de vagues figures roses et des châles de laine tricotés sous leurs voiles à cause du froid. Les employés des pompes funèbres, selon l'usage populaire, déjeunaient sur le coin d'une table. Ils n'avaient que 2 verres pour 3, et avalaient en hâte du pain, du beurre et un peu de lard, car la cloche de l'église voisine sonnait pour la levée du corps. « Monsieur, dit une des femmes en s'approchant, Monsieur Poupry. » Il distingua d'un effort de ses yeux tendus dans l'ombre une tête maigre, ridée, un peu égarée, et dit presque à coup sûr « Qu'y a-t-il, mademoiselle ?» Elle reprit très bas, avec des regards de côté. « C'est que j'ai une dette envers mademoiselle Morel, une grosse, 65 francs. Est-ce bien pressé? Ferez-vous poursuivre ?» Il haussa les épaules doucement parce qu'il était doux. « Je vous remettrai le billet, voilà, restez tranquille. » Il y eut un murmure dans la chambre. « Qu'a-t-il dit? Avez-vous entendu ?» La vieille fille devint un centre d'information autour duquel se groupaient des robes noires et des robes blanches, en rond, comme des pétales. M. Poupry devina qu'il grandissait en ce moment, qu'il devenait un personnage, et de plus en plus gêné, sorti pour prendre la tête du cortège. Il marchait, seul homme conduisant cette longue théorie de femme, immédiatement après les 6 enfants de Marie qui tenaient les cordons du poêle. Et il pensait à cette excellente Mademoiselle Morel, qui avait cousu, taillé, peiné, épargné pendant 30 ans, et qui lui laissait sa fortune. Combien? Peu de choses, sans doute, il le saurait tout à l'heure. Il n'avait avec elle aucune parenté, pas même des relations de voisinage, mais il lui avait rendu quelques services autrefois, du temps qu'il travaillait dans l'étude de maître Chenu. Brave créature, si humble, à qui pas une fois la vie n'avait souri, et qui n'avait jamais eu l'air de rien souhaiter au-delà du pain quotidien. Au cimetière, quand la cérémonie funéraire fut achevée, sur le sable mouillé des allées, il fut rejoint, enveloppé par les amis de Mademoiselle Morel, des jeunes, des vieilles, toutes ouvrières de la couture ou de la mode, pas riches, et qui avaient quelque chose à demander. Elle le faisait gentiment, avec des yeux d'abord baissés, puis levés, puis souriants, qui mettaient le clerc honoraire comme en plein soleil. « Monsieur, je suis Mademoiselle Clémentine, Mademoiselle Jeanne, Mademoiselle Marie, Mademoiselle Maria. Je voudrais bien avoir une petite statue qu'elle m'avait promise, un guéridon qu'elle voulait me donner. Je désirais acheter, si ce n'est pas trop cher, le lit, l'armoire, l'étagère, où il y a des fleurs artificielles et 3 boules de verre irisées. » Il répondait, « Mais oui, mademoiselle, assurément, pour vous faire plaisir. » Quelqu'un dit, « Il faudrait bien 2 voitures, monsieur Poupry, pour reconduire les petits en blanc. » Il tira de sa poche une pièce de 5 francs. Le nuage se dissipa. « Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. » L'héritier resta seul avec le notaire qui avait suivi en retard et qui arrivait. « Je crois bien, dit-il, que je viens de distribuer tout le mobilier. » Mademoiselle Morel n'avait pas d'immeuble. « Évidemment. À combien se monte le capital ?»« Monsieur, vous avez 3 legs de 500 francs chacun à acquitter. Avec les frais d'enterrement, de succession et ce que je vous ferai, il vous restera tout juste le souvenir d'une bonne action. » Monsieur Poupry inscrivit sur son calepin les noms des 3 élus qui devaient se partager les 15 billets bleus. Mademoiselle Estelle, Mademoiselle Louise, Mademoiselle Maria, et dès le lendemain matin, n'ayant rien de mieux à faire, commença le rôle, inédit pour lui, de distributeur de legs. Chez Mademoiselle Estelle, c'était loin, dans une banlieue en Dodane, où les maisons de pauvres étaient serrées, égales et sombres comme un banc de moules sur un rocher. Il ne la trouva pas. Mais il laissa sa carte. 2 heures plus tard, comme il achevait de déjeuner, la bénéficiaire entra, une maîtresse couturière de 40 ans, chétive, d'une misère timide et aigrie, et dont le chapeau noir à une seule plume grise avait fait au moins 2 saisons de trop. Elle ignorait ce qu'il lui voulait. Il se leva, la serviette encore passée dans le faux-col. « Mademoiselle, j'étais chargée par cette pauvre Mademoiselle Morel de vous remettre un petit souvenir. » En parlant, il cherchait dans sa poche la liasse de 5 billets. Il la prit, et regardant bien la légataire, pour jouir de la surprise, il posa le petit cahier, encore relié par l'épingle, sur le coin de la table. Il n'y eut qu'un battement de paupières. Mademoiselle Estelle, qui n'avait pas dû posséder souvent pareille somme, ne parut ni heureuse, ni émue, ni étonnée, ni confuse. Elle n'avança pas la main. Elle ne fit même qu'effleurer du regard ce carré bleu posé sur la toile cirée blanche et baissa les yeux sur le parquet, disant « Je ne m'attendais à rien, monsieur Poupry, bien sûr, non. » Son seul sentiment paraissait être le besoin de s'excuser d'une telle fortune. Le vieux clerc n'était pas psychologue. Il ignorait qu'à force de ne pas servir, le ressort de la joie se rouit et que la faculté d'épanouissement ressemblait ici à de la vieille poudre, bourré, pressé, inutile depuis 40 ans, et qui fait long feu devant l'amorce. « Mais prenez, mademoiselle, dit-il un peu froissé, prenez donc. » Lorsqu'elle fut sortie, il se pencha par la fenêtre et vit que la vieille fille avait l'air de fuir. Elle courait presque, elle sautait. Elle avait des mouvements d'ascension et d'envolée comme un oiseau mouillé qui se souvient de ses ailes. C'était le bonheur qui grandissait. « Ah, les femmes, dit M. Poupry, qui croyait les connaître. Toujours hypocrite. Voyons la seconde. » Il eut un peu de mal à découvrir, dans un ancien hôtel devenu maison de 20 loyers, la chambre qu'habitait Mademoiselle Louise, vaste salle carrelée, où des robes à moitié faites, des manches bouffantes, des corsages retournés montrant l'armature compliquée de leurs dessous, faisaient sur le dos des chaises comme un mobilier riche. « Ma sœur n'est pas encore entrée, dit une femme d'une 30aine d'années, assez jolie, bien mise, un peu troublée de cette visite. Elle va rentrer. » Monsieur Poupry, cette fois, prit les 5 billets et les étala bien ouverts, l'un près de l'autre, sur la table où l'on taillait. « Oh, monsieur, va-t-elle être contente, la pauvre petite, elle qui était malade tout l'automne et qui ne peut plus guère travailler ?» Au moment où il comptait le 5e billet, elle entra, rose d'avoir marché, sans se douter de ce que venait faire ce vieux, penché là, près de sa sœur. « Tiens, chérie, voilà pour toi. Mademoiselle Morel, 1 leg, 500 francs. » Mademoiselle Louise s'arrêta, à 2 pas de la porte. Le rose de ses joues disparut. Elle regarda les billets bleus, puis M. Poupry, puis les billets, puis sa sœur, et sa poitrine s'emplit de sanglots, et ses yeux s'emplirent de larmes jeunes, joyeuses, qu'elle n'essaya pas de retenir, et qui coulèrent sans un mot sur son visage pâle et son mantelet perlé. « Vous voyez comme elle est, monsieur, une vraie enfant, une malade, émue de tout. Voyons, Louise, ne reste pas comme ça. Remercie, monsieur. C'est déjà fait, dit monsieur Poupry. Et puis, viens écrire le reçu, je vais t'aider. Là, voici l'encrier, du papier. » Ce reçu. Elles s'étaient mises toutes deux, l'une assise, l'autre debout, et courbées pour le rédiger. Et l'une tâchait de dicter, et l'autre tâchait d'écrire. Mais les larmes tombaient sur la feuille blanche, les lignes s'embrouillaient. « Tiens, finis-le, » dit la petite en se levant. « Moi, je ne vois plus. » La grande sœur haussa les épaules, comme une mère indulgente et contente, et acheva le reçu avec beaucoup de peine, c'est-à-dire avec beaucoup de joie aussi, mais plus sage, tandis que Mademoiselle Louise appuyait son front aux vitres de la fenêtre, et même pour dire adieu, n'osait plus se retourner. Le légataire universel des biens, meubles et immeubles s'en alla satisfait, méditant sur les larmes de Mademoiselle Louise et sur la question sociale dont il avait entendu parler. Il faudrait beaucoup d'héritages comme le mien pour la résoudre, pensait-il, mais j'envierais les distributeurs. C'était un élégiaque au fond, ce vieux clerc qui avait passé sa vie dans la prose notariée. Il traversa la ville du pas alerte que nous avons quand l'esprit ne pèse rien en nous, et chercha le numéro de Mademoiselle Maria, la troisième élue, dans un faubourg de vieille haute mine, dont les maisons avaient encore des façades en colombage et des pignons en fer de lance. « Au fond de la cour, monsieur, l'escalier de gauche, trois étages, la porte en face. » L'escalier le mena devant une porte ouverte, sur le seuil de laquelle une femme âgée balayait. « Mademoiselle Maria. » La mère considéra avec un peu de méfiance cet homme qu'elle ne connaissait pas et qui portait sous le bras une petite serviette en maroquin. Un huissier, peut-être. Par politesse, mais froidement, elle se recula et le laissa entrer. C'était comme une serre chez elle, et c'était aussi une volière. Des géraniums en pot, des camélias d'une coudée, dont l'unique tige était attachée à un tuteur, des marguerites défleuries, des pots de basilic et de grosses plantes trapues, épineuses, faites comme des hérissons, avec une fleur rouge éclatante plantée en pleine chair. Et puis, au-dessus, accrochés au mur, des chardonnerets en cage, des sansonnets, même un couple de linots qui sifflaient dans la tiédeur du poêle allumé. « Tout cela n'est pas à nous, » dit la femme, craignant qu'il ne se méprît. « La locataire du premier voyage et nous gardons ses fleurs et ses oiseaux. Vous voulez parler à Maria ?» Sur un signe affirmatif, elle appela, et une jeune fille sortit de la chambre à côté. Elle était fraîche, vive, avec des yeux noirs et une bouche un peu grande qui découvrait, même au repos, six dents blanches. Lorsque M. Poupry lui répétait sa formule du petit souvenir laissé par Mademoiselle Morel, « Ah » dit-elle en tendant les mains, « cela ne m'étonne pas. J'étais toujours en retard quand je travaillais chez elle. Nous demeurions si loin. J'avais beau me dépêcher, j'arrivais après la demi-sonnée. Elle me grondait, elle s'impatientait. Elle a voulu réparer les petits chagrins qu'elle m'a faits. » À quoi s'attendait-elle? Probablement un cadre ou à une pelote de velours. Elle rougit en recevant, dans ses mains tendues, le premier billet. Elle regarda sa mère au second, et quand elle aperçut le troisième, elle sauta au cou de M. Poupry. « Tant pis, » dit-elle, « vous êtes vieux, je vous embrasse. » M. Poupry se laissa faire. Il prolongea sa visite. Il demanda l'histoire de la mère, des nouvelles de la couture, des détails sur le sansonnet. Depuis lors, il pense souvent, et toujours avec émotion, à la troisième légataire. Quand on lui parle de la succession de Mademoiselle Morel, et qu'on lui demande ce qui lui en est resté, il répond « un baiser ». Mais il ne s'explique pas, il n'est pas revenu. La petite avait dit « vous êtes vieux ». Et cela corrigeait, et cela effaçait tout. Ainsi s'achève 15 billets bleus de René Bazin.